Psaume 124. Cantique de Maalot, de David. N'eût été l'Éternel, qui a été pour nous, dise maintenant Israël. N'eût été l'Éternel, qui a été pour nous, quand les hommes se sont élevés contre nous. Ils nous eussent dès lors engloutis tout vifs, pendant que leur colère était enflammée contre nous. Dès lors les eaux se fussent débordées sur nous, un torrent eût passé sur notre âme. Dès lors les eaux enflées fussent passées sur notre âme. Béni soit l'Éternel, qui ne nous a point livrés en proie à leurs dents. Notre âme est échappée, comme l'oiseau du lac des oiseleurs, le lac a été rompu, et nous sommes échappés. Notre aide soit au nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre.